We'll be right back. possède une intelligence surhumaine, des connaissances venues d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. Here comes the music. We're online. time I turn on my radio, by day. Every time I read a newspaper, by day. Everywhere I look, by day. That world gone crazy. Just walking down the street, they look in the mirror, but they can't see no face. They don't know who they are, they don't know where they go, they don't know why they be here, they don't know about nothing. I'm in the break of shaming because all around that world is beyond that body. Bonsoir tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. L'émission Maureka aujourd'hui commence à 19h30, comme vous avez pu le voir. Alors, ça fait déjà la deuxième fois, il y a eu la reprise après le confinement. Là, on reprend les émissions, on va diffuser toujours les artistes qu'on a reçus pendant pas mal de temps, parce que vous le savez, dans l'émission Maureka, normalement, on reçoit des invités chaque semaine. Hein. On a reçu énormément d'artistes, puisque ça fait 10 ans hier que l'émission Maureka existe, et nous en sommes aujourd'hui à la 447e émission, et la plupart des émissions, il y a des invités. Donc là, on vous a diffusé déjà des artistes, par exemple, on a commencé l'émission avec le groupe Tomia. Tomia qui nous interprétait un morceau qui s'appelle Early June. Et Tomia, bah, c'est un groupe qui n'existe plus sur Orléans, mais voilà, il y a toujours Alexis qui continue avec son projet The Patient. Et Tomia, on les avait reçus au moins à deux reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, en tout cas, un groupe qui a laissé beaucoup de bonnes choses, et on continuera à l'écouter dans l'émission Marika. On a écouté aussi le groupe 41 avec I Wanna Be Your Dog. On a écouté aussi les Civil Radio, encore un vieux groupe, c'était dans les années 80, un truc comme ça. C'était avec un morceau qui s'appelle 404. Alors, les gens qui écoutent ça aujourd'hui, hein, ça fait quand même longtemps, 404 c'était un modèle de chez Peugeot, hein, quand même, on va le dire. Il est plus en vente, donc on peut en parler, il n'y a pas de souci. On écoutait juste après les temps modernes avec le nouveau morceau de The Riz. The Riz qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel aussi, hein, ça nous fait vraiment plaisir de découvrir plein de choses différentes, hein, parce que vous allez voir, il y a plusieurs types de musique, hein, quand même dans l'émission Mavrika. Alors ça fait 10 ans qu'on reçoit habituellement des artistes. Là on peut pas le faire, justement parce qu'il y a encore des précautions à prendre lorsqu'on fait de la radio. Donc pour l'instant, bah, je suis tout seul dans le studio, mais j'ai de quoi tenir pas mal de temps, 3 heures en tout cas ce soir, puisque c'est l'émission de 7h30, 19h30 jusqu'à 22h30. Voilà, on a décalé un petit peu les horaires, on change, on s'adapte, hein. C'est comme ça dans l'émission Mavrika et sur Radio Arc-en-Ciel. En tout cas, restez avec nous, il y a de la très bonne musique. Donc je vous ai déjà présenté quelques titres, il va en avoir d'autres. Je vais déjà vous présenter le titre suivant. Il s'agit du groupe Infernal Flash Pep, donc vous pouvez l'appeler IFP, ça sera peut-être plus simple. Et le morceau qu'on va écouter juste après, ça s'appelle « Je te jette ». Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Jusqu'au

écouté Infernal Flash Pep avec un morceau qui s'appelle Je te jette. On a écouté les KTS, Kill the Shade avec Run. Et à l'instant, c'était Devon Miles avec Crash into June. Un album que vous pouvez télécharger hein, sur Internet. Vous tapez Devon Miles. C'est un groupe qui est venu chez nous il y a déjà quelques années. Il va falloir qu'il revienne un de ces jours. Et vous le téléchargez et vous donnez ce que vous voulez pour le téléchargement. Voilà. C'est, si vous aimez, il faut pas hésiter. Leur donner un petit peu d'argent. Voilà. Donc le morceau s'appelle Crash into June et l'album s'appelle 900. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on continue avec un groupe que nous aimons beaucoup qui s'appelle Miss Grad & Co. Nous les avons reçus il y a quelque temps et le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle My Road Song. My road song just can wait. My road song just astray. Rain starts to show the way. The valley and the moonlight. Silence is raging. Seems so far away.

Ce soir, elle m'emmène chez sa mère. Je suis un rebelle, je vais pas me coiffer. Elle a déjà pris rendez-vous dans une agence immobilière. Pour que l'on se trouve un chez nous et qu'on mélange nos petites affaires. Non, c'est pas elle qui fait la loi, c'est pas elle qui va commander. Je n'irai pas chez Ikea, ni au salon des jeunes mariés. C'est pas parce que je suis fou d'elle qu'elle a le droit d'en profiter. Déjà, je l'emmène au 7e ciel, je veux pas plus haut, c'est limité. Je dois me rendre à l'évidence. Cette femme est sans pitié, elle ne me laisse aucune chance. Ce soir, l'amour est déclaré. La la la la la. Elle est d'une beauté, elle a la peau beaucoup vanille. Et je suis addict à ses baisers. Et je vous parle pas de ses trésors que j'écoute quand je vais planer au creux des courbes de son corps. Ça y est, c'est sûr, je suis envoûté. Je dois me rendre à l'évidence. Cette femme est sans pitié, elle ne me laisse aucune chance. Ce soir, l'amour est déclaré. La la. Maintenant, vous le savez, l'amour est déclaré sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes dans l'émission Maverica et puis on écoute beaucoup de musique. Il faut savoir, aujourd'hui, c'est déjà le début de la 11e année de Maverica sur Radio Arc-en-Ciel. Donc, puisque hier, c'était son anniversaire, l'anniversaire de l'émission. Donc, je remercie tous les gens qui ont été sur le compte Facebook de l'émission Maverica et qui nous ont laissé un petit message pour nous dire, joyeux anniversaire, etc. Donc, ce soir, je vous le dis bien, c'est pas mon anniversaire. À moi, c'est l'anniversaire de l'émission, parce que finalement, le plus important, c'est quand même que cette émission dure encore très longtemps. Et aujourd'hui, pour justement fêter un petit peu tout ça, je suis un peu tout seul dans le studio, mais je sais que vous êtes nombreux derrière vos postes de radio. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur Facebook, il y en a déjà qui sont là. Et tout à l'heure, je les citerai, tous ceux qui m'ont laissé un petit message. On a décidé d'écouter beaucoup de musique, et à l'instant, on vient de le savoir, donc l'amour est déclaré sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà. Donc c'était notre ami David McLean. Juste avant, un autre ami aussi, hein, c'est Jack F, qui est déjà venu aussi plusieurs fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec son nouveau projet, hein, qui s'appelle Jack F. C'est Jacques Février, le chanteur, et il est aussi le chanteur des Stingers. C'est comme ça qu'on l'avait connu d'ailleurs. Et Jack F a participé aussi bien que Stinger d'ailleurs à des Maverica Live déjà. Juste avant, c'était Orphan Black, qu'on a reçu il y a quelque temps, un nouveau groupe sur Orléans, mais avec des gens qui font de la musique déjà depuis pas mal de temps, qu'on apprécie énormément. Le morceau s'appelle Silent, un groupe qu'on a découvert la semaine dernière puisqu'il nous avait envoyé un petit fichier. D'ailleurs, dès qu'on relance un petit peu les invités sur Radio Arc-en-Ciel, on essaiera de les inviter. C'est un groupe qui s'appelle Neutral, j'espère que je prononce bien. Le titre, c'est I Don't Care, et on avait commencé cette série musicale avec Miss Grad & Co. Non, pas du tout, c'était pas ça du tout. Si, c'était ça. J'essaie de me remettre un petit peu dans l'ordre parce qu'on a diffusé tellement de bonnes choses. Miss Gradenko avec My Road So. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on va continuer donc avec un petit peu de musique. Et là, on va enchaîner avec un morceau d'un groupe qui est déjà venu ici à deux reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Hype Me, et le groupe donc qui nous interprète un morceau que je vous citerai tout à l'heure parce que je sais écrit en tout petit sur la pochette et j'arrive pas à lire. Voilà, on continue en musique. Moins d'infirmiers, on s'en fout. on ira dans le privé. Les médiamantes. Le matin, j'achète le journal pour me remonter le moral. Quand une équipe de France a perdu, j'avoue que je suis pas trop déçu. Des sans-papiers occupaient une vieille maison. La police a procédé à des arrestations. Et les familles, même les lardons, fais un tour par la case prison. Dites pas que ça vous rappelle Pétain. Vous direz au tribunal putain. Mais les journalistes ils comprennent pas pourquoi tous ces malheureux restent pas là-bas. Avec tout le fric que Total arriva dépense pour corrompre le chef d'État. C'est vrai ça. C'est parce qu'ils appartiennent à des fabricants d'armes. Ils soutiennent toujours les gendarmes. C'est parce qu'ils appartiennent à des grands patrons qui défendent sans arrêt la mondialisation. Ouais, t'as compris toi. Les médiamantes. Les médiamantes. Sur un flash d'info, j'apprends qu'on est dans le pétrin, qu'il faudra faire des économies demain. C'est pas les riches qui vont payer, mon vieux, bah non. Ce sont les pauvres, ils sont les plus nombreux. Par contre, faut sauver les patrons, les chefs d'entreprise. Oh, les pauvres. On va pas les mettre à contribution car c'est la crise. Ils interrogent toujours les mêmes experts autoproclamés. BHL, Goldman, Fickel, Croûte, Pastré. Jamais en présentant des pauvres, des ouvriers. Ou alors pour s'en moquer, le ridiculiser. Accepte de travailler plus pour gagner moins. Ou on délocalise en Estonie ou plus loin. V'là une nouvelle loi antiterroriste. 96 heures de garde à vue pour avoir manifesté. Tu seras pas déçu. Les médiamantes impunément. We'll be right back. sûrement reconnu si vous écoutez régulièrement l'émission Mavrika. Il s'agit de Chris, notre ami, hein. Il vient assez régulièrement ici nous présenter ses disques. Et l'album qu'il nous a présenté s'appelle Utopia. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle lui aussi Utopia. Juste avant, on a écouté le groupe Barricade. Barricade qui a participé aussi à un Mavrika Live avec nous et qui est déjà venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur travail. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Les Médiamantes. Et puis tout à l'heure, le titre des Hype Me, c'était Echoes of Time. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Des soirs où il fait beau, et il y a des soirs où il fait chaud. Nous on boit plus d'apéro, ça nous réveille la libido. Ça fait un an passé que l'on n'y a pas touché, mais il faut pas lâcher, c'est le prix du danger. Maintenant que c'est fait, on a évité le pire, et en nous l'espoir est le plus beau des soupirs. Des miroirs dans le noir qui te donnent l'espoir. Y a des miroirs dans le soir qui te donnent l'espoir. On sait que c'est gagné avec de la volonté. On sait que c'est de l'amour, un grand moment de vérité. On sait que jour après jour, c'est notre prix à payer pour qu'enfin notre amour puisse être libre pour toujours. Il y a les soirs où on goûte de miel, et nous on boit plus que de l'eau, ça nous réveille la libido. Ça fait 10 ans déjà, ça se fait à l'abattoir, on n'a toujours pas lâché, et l'envie s'est effacée. Maintenant que c'est fait, tu as évité le pire, et en toi l'espoir est le plus beau des sourires. Dans le noir qui te donne l'espoir, y a des miroirs dans le soir qui te donne l'espoir, qui te donne l'espoir, qui te donne l'espoir, qui te donne l'espoir, qui te donne. Thank you.

But Jimmy, I want you please come home. Where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, oh fuck, all of you young. But you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, well, where you are. The buffaloes used to say, do what you do. La presqu'île, le boulevard de la mer est con. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne en rond. Hier soir encore, son héroïne le serrait si fort en disant Jim. Calmant son alcool profond. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne pas rond. Jimmy déforme et tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy s'envole dans les fougères et les nénuphars. Jimmy déforme et tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy les filles pour le cœur. We'll be right back. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel tous les vendredis soirs. Habituellement, c'est 20h30, mais ce soir, l'émission a commencé à 19h30. Vous êtes dans l'émission Mavrika. Mavrika, ça fait 10 ans que je viens tous les vendredis vous tenir compagnie pendant quelques heures. Alors, ce soir, ben, il n'y a pas d'invité. Hein, je ne peux pas recevoir pour l'instant d'invité dans le studio. C'est comme ça. Ben, c'est avec le Covid. Pour l'instant, c'est pas encore relancé. On relance un petit peu nos émissions. Donc, depuis la semaine dernière, on se retrouve ici le vendredi soir à partir de 19h30 et on écoute de la bonne musique avec plein de groupes qu'on a reçus, d'autres qu'on n'a pas reçus, certains on a juste des contacts et peut-être un jour viendront-ils dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. En attendant, on a écouté pas mal de musique, je retrouve mes petites fiches et pour vous annoncer un petit peu les titres et quels sont les artistes qui ont interprété ces morceaux. Donc on a écouté les Qu'as-tu vu, un groupe qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale, qui nous interprétait un morceau bien sympathique qui s'appelle « Il y a des soirs ». On a repris aussi un petit peu de plus de volume et de dynamique avec les Burning Heads, avec un morceau qui s'appelle « Piece of Cake ». Ensuite, on a continué avec les Corrosive System, donc voilà le nouveau groupe de Laurent. Laurent qui était à l'origine du groupe des No More Back. Le morceau s'appelle 99. On a continué aussi avec un groupe que j'ai découvert il y a quelques mois. Il s'agit du groupe Del Orto, un groupe qui envoie bien. Et si vous avez l'occasion d'aller les voir sur scène, il faut surtout pas hésiter. Et le morceau qu'on a écouté, c'est un instrumental qui s'appelle Épilogue. On a continué avec les Full System qui nous ont interprété un morceau qui s'appelle Modern Mess. Il y a de l'actualité, ils ont même fait des clips confinés, donc n'hésitez pas à aller les retrouver sur internet, hein, tout simplement. Il y a des nouveaux clips. Donc c'est le groupe Full System. On a écouté aussi Storm, c'est aussi un superbe clip. Hein. Ils étaient venus ici nous en parler, c'était les Min Circle. On a écouté aussi deux morceaux qui ont été enregistrés ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Deux morceaux qui ont été enregistrés vraiment en live. Hein. Les artistes sont venus ici. Il y avait d'abord Lajari dans l'émission numéro 394 qui nous a interprété L'Enfant Maquillé. Et juste après, c'était Léo avec Jimmy, un morceau qu'elle a interprété dans nos studios dans l'émission numéro 396. Juste après, un groupe de Lyon qu'on connaît pas encore. On a eu quelques contacts avec eux. Si un jour ils passent dans la région, ben, déjà, il faudra aller les voir en concert, je pense. Et après, on essaiera de voir aussi si on peut les avoir ici dans l'émission. Ça serait avec beaucoup de plaisir. Il s'agit du groupe Trigone Plus. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle « À ma merci ». Et juste à l'instant, c'est un groupe qui n'existe plus, qui a tourné beaucoup avec les Burning Heads, qui s'appelle « In Common Man from Mars ». Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est un morceau que j'aime beaucoup, en tout cas. Et c'est pour ça que je partage avec beaucoup de plaisir. Et ça s'appelle Lifetime Bus Stop. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. Mensonges et trahisons. Tyrannie, oppression, je fais bien sûr allusion à vos bobards et illusions. Expulsez les étrangers, alors qu'ils vous ont bien arrangé. À une époque pas si lointaine, vous les exploitiez par centaines. Nous voulons la paix, mais jamais vous ne la porterez. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir opprimés. Nous voulons la paix, ne jamais nous sentir offensés. Nous voulons la paix, nous voulons nous sentir protégés. Mais jamais vous n'apporterez ce monde parfait. Pas d'illusions. Politique, fasciste, antisémite et raciste. Mais peu importe l'origine qui est la nôtre, l'important c'est l'amour de l'autre. Odessa et FN, ils n'inspirent que la haine. Véritable gangrène, tous les mêmes. Nous voulons

Voilà, à l'instant, c'était notre ami Mourad. Mourad qui nous interprétait un morceau qui s'appelle « Comme un ado ». Et c'est tiré de l'album « On en parle ». Il était venu ici nous le présenter. Et puis Mourad aussi, j'ai vu qu'il travaillait en ce moment beaucoup avec quelqu'un que nous avons reçu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Mathis Poulain. Et d'ailleurs, lors de l'émission de Mathis, Mourad était venu faire un petit coucou. Voilà, des bons souvenirs comme ça qu'on a. Et puis, juste avant, donc, c'était notre ami Mathis Poulain avec Ce Monde Parfait. Et c'est tiré de l'album Nouvelle Saison. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika et on est ensemble jusqu'à 22h30. Restez avec nous.

rien, pas vraiment subjectif de notre planète bleue. Le temps passe et la merde s'en tasse. On quitte ce monde puis nous vient en pleine face. Y'a qu'à voir l'état de l'Amazonie, la fonte des glaciers dans l'océan Arctique. Je suis presque sûr que demain on trouvera des sources polaires planquées au Sahara. Il n'est pas trop tard, ce sont les Enfants de Panurge, un groupe que nous n'avons jamais reçu dans l'émission Mavrica. Par contre, ils ont participé à un Mavrica Live et c'est vrai que moi j'aime bien cette musique-là parce que j'ai déjà l'occasion de l'écouter en concert et ça envoie vraiment beaucoup. Les Enfants de Panurge, juste avant c'était les Iron Troopers avec Speed of Light. Encore avant, c'était les Sons of Distortion avec Night Shift. Et on avait commencé cette petite série musicale avec The Sharper, avec un titre qui s'intitule Doctor. Voilà. Vous êtes dans l'émission Maurica, bah, il n'est pas encore trop tard, il est bientôt quand même 22h. Et on sait aussi que l'émission se termine à 22h30. Donc n'hésitez pas à mettre des petits messages sur le Facebook ou à me contacter comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Puis après, je ferai un petit coucou à tous les gens qui m'ont contacté pendant l'émission. Ça me fera plaisir en tout cas. Voilà. Restez avec nous, on continue avec de la belle musique et je vous propose d'écouter tout de suite nos amis de Therese Electric avec un morceau qui s'appelle Timide. Un jour je vous le dis, j'arrêterai de me gâcher la vie. Considérez celle-ci comme une maladie, sera ma seule philosophie. Je serai un vrai rocker, alors j'aurai du cœur, et c'est ce que demande à mon cœur. Je suis plus timide, plus timide. La vie ne fera plus peur, je ferai un malheur, et alors à moi le bonheur. Un morceau qui s'appelle Volage. D'abord parce que c'est le dernier qu'on a composé. Ensuite parce qu'on se dit qu'il est bien adapté à un petit passage radio. Et puis si ça vous plaît, vous pouvez écouter le reste de la maquette sur notre site anodine.eu. Bonne écoute. Je vogue seul au grand large, toute voile dehors, et un voile d'or couvre mon équipage. Humeur du jour, volage, je vole sur mon nuage. Poussé par le vent qui danse et le vent découvre ton corsage. Toujours tout le temps, mouvement perpétuel permanent. Girouette dans le vent, dérive au fil du courant pour s'envoler dans l'air du temps. Si j'avais su que c'était perdu, je ne serais pas venu. Du jour, voyage, joyeux détour sans bagage,

Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que vous avez rencontrés. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. J'ai tout foiré, j'ai tout planté, comme dans un film de Patrick Devers, avec un mêlé contraction, comme dans un film de Patrick Devers. En tout cas, j'ai trop la classe, mais je me sens pas toujours à ma place. J'ai trop souvent perdu ma classe, comme dans un film de Patrick. J'aime bien quand les supporters dégueulent sur le chauffeur. Dans la vie à 70 km/h, comment ça fait le Patrick Devers. J'aime bien aussi les policiers, ouais, quand ils ont des vêtements de couée. Un peu aussi d'intégrité, comment ça fait le Patrick Devers. J'ai jamais su gagner, à part à la honte. One more time. Le temps passe très vite, hein. Écoutez l'émission Mavrika, c'est hallucinant, 3 heures d'émission et le temps, on arrive bientôt à la fin, on est presque un quart d'heure de la fin, voilà, et puis on a écouté tellement de bonne musique et on a envie que ça continue tout le temps, mais c'est pas possible, voilà, c'est pas possible, parce que il faudra en garder quand même pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, même heure, même endroit, à 19h30 jusqu'à 22h30, c'est l'émission Mavrika, c'est les nouveaux horaires, ça change un petit peu, c'est un peu plus tôt, mais bon, comme ça on prend le temps d'écouter pendant 3 heures de la bonne musique avec plein d'artistes qu'on a reçus et d'autres qu'on n'a pas reçus mais qu'on recevrait avec plaisir. En tout cas, on a écouté donc Thérèse Électrique avec un titre qui s'appelle Timide. Alors Thérèse Électrique, un groupe qui a fait partie d'un Mavrika Live, un groupe qui continue de travailler beaucoup et puis qui nous avait envoyé quelques morceaux. On avait écouté un morceau la semaine dernière. Donc la semaine prochaine, on écoutera sûrement encore un morceau des Thérèse Électrique. Donc le titre, c'est Timide. On a écouté aussi une petite découverte de notre ami Didier. Hein. Didier qui m'a secondé pendant pas mal de temps, qui en ce moment ne peut pas venir dans l'émission, donc je suis obligé d'être tout seul. Et il nous avait fait découvrir un groupe qui s'appelle Anodine. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Volage. Un autre groupe aussi qu'on aurait dû recevoir et qu'on n'a pas pu recevoir, voilà, mais ça se fera peut-être dans le futur. Il s'agit du groupe Mirage, voilà. Mirage, c'était Didier qui nous avait fait découvrir. On devait le recevoir dans l'émission. Ça n'a pas été fait. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Mania. En tout cas, c'est un groupe à suivre parce qu'une très belle voix, très belle musique. C'est vraiment de qualité professionnelle, quoi. C'est vraiment la classe, quoi. Encore un groupe qui a la classe. Il s'agit de Esprit d'Escalier, un groupe que nous avons reçu ici dans les studios. Là encore une découverte Mavrika grâce à Radio Arc-en-Ciel. Alors Esprit d'Escalier nous a interprété un morceau qui s'appelle Wolves. Voilà, je pense que j'ai bien prononcé. C'est un anglais. Hein. Et puis, à l'instant, c'était encore un groupe que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Un groupe qui a déjà beaucoup de comment dire, d'histoire. Parce qu'ils sont sortis, je sais pas combien d'albums. Les gars, ils sont super bons. Si vous avez l'occasion d'aller les voir sur scène, n'hésitez pas. Il s'agit du groupe Brigitte Bop. Alors là, c'est vraiment, vraiment super, quoi. Moi, j'adore ce groupe-là. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Patrick Devers. Voilà. Alors, vous êtes contente de me retrouver. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai eu pas mal de contacts de pas mal de personnes. Donc, on va citer quelques-uns. J'espère que j'en oublie pas. Si j'en oublie, c'est pas bien grave. L'important c'est que ça se fasse. Et puis la semaine prochaine, vous me rappelez à nouveau et puis je citerai votre nom. Alors voilà tous les gens qui m'ont contacté d'une manière ou d'une autre. Il y a Didier, Fabien, Irène que j'ai eu au téléphone il y a quelques temps. Il y a Mohamed, Thierry, Annabelle, Laurent, Carla, Florent qui écoute l'émission. Alors là, c'est un des auditeurs les plus fidèles et enregistre en plus. Hein, c'est lui qui fait les podcasts. Hein. Vous avez peut-être pu écouter le podcast de la semaine dernière. Voilà, il est sur le Facebook de l'émission Mavrika si vous l'avez loupé. Il y a aussi Marc, Jack F, on l'a écouté tout à l'heure, bah, il est intervenu aussi, Gérard, Aurélie, Fab, Stéphane, Bruno, Tahar, Christophe, que j'ai eu au téléphone, Christophe le guitariste des Iron Troopers, et aussi de Prism, voilà. Dom, David, Philippe, Michel, Raymond, Franco, ben merci beaucoup d'être là et puis de nous écouter, de nous suivre, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, on fait cette émission pour tout le monde. Si vraiment vous avez des amis qui connaissent pas encore cette émission là, il faut vraiment leur présenter parce que c'est là où il y a les artistes, des artistes vivants, des gens qui viennent dans les studios, des gens qui enregistrent, des gens qui font des concerts. Ça vaut vraiment le coup de les promouvoir et c'est le but de l'émission Mavrika. Voilà, cette émission n'est pas encore tout à fait terminé, il nous reste encore quelques morceaux à écouter. Et d'ailleurs, bon, on va écouter tout de suite, j'en ai calé deux, je sais même plus lequel est lequel. Voilà, Manu Lorca, un monsieur qui est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, mais franchement, j'ai adoré ce chanteur. Et il a une super voix, les musiciens qui l'accompagnent sont super bons, les arrangements sur cet album sont super bien faits. C'est un artiste qui enregistre un peu comme à la grande époque, hein, Joe Dassin, Johnny Hallyday, Michel Sardou, etc. Donc c'est vraiment des morceaux très bien orchestrés. Et je vous propose d'écouter un morceau. Alors, j'ai même pas encore tout à fait calé. Il faut que je retrouve le numéro. Alors, j'ai un petit peu de mal. Voilà, c'est le numéro 6, voilà. Tac, voilà. Là, pareil aussi, plus on tourne et plus il redescend, je comprends pas au niveau des pistes. Bon, là, on est bien sur la piste numéro 6, et ça s'appelle « On fait comme on peut ». Ben, c'est tout à fait à l'image de Radio Arc-en-Ciel de l'émission Mavrika. Monsieur Manu Lorca, « On fait comme on peut ». Des petites balises de voyage incertain. Est-ce que le temps nous presse, furieux ou assoupi? Est-ce que les murs se dressent ou se borne l'esprit? On pose de petites phrases, des paroles en chemin, sans faire tomber nos masques pour voiler nos chagrins. Et qu'est-ce qui nous anime? Attendre ou bien partir? Est-ce qu'une seule vie pourra vraiment suffire? On fait comme on peut, on fait comme un vœu, on fait comme on peut, on fait comme on peut, on fait comme un vœu, on fait comme on peut. On cherche la cadence pour un pas de nous deux, voulant conduire

Voilà, on arrive à la fin de cette émission numéro 447 pour les 10 ans de l'émission Mavrika. Donc, c'était sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. Restez calés sur cette fréquence. Hein. De toute façon, il y a plein d'émissions et ce sont les meilleures, chacune dans leur style. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore une émission dans laquelle je vous sélectionnerai beaucoup de bonne musique encore à écouter. On vient de terminer avec, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Manu Lorca. On fait comme on peut, c'est tiré de l'album Décollement de Rétine, voilà. On écoute aussi les Chili Dogs avec qui nous ont sorti un album qui s'appelle Something Must Change, quelque chose doit changer. Et le titre qu'on écoutait s'appelle Something Must Change. Voilà, c'est aussi peut-être le mot de la fin de cette émission Mavrika. Quelque chose doit changer encore. Et puis on vient d'écouter à l'instant The Worst, c'est l'album. Yeti, c'est le groupe. Et le morceau, c'est The Maze. Voilà, cette émission Mavrika est terminée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pour l'instant, on va écouter une petite musique pour finir. Et puis, restez calés sur Radio Arc-en-Ciel. Je vous laisse avec RDP International. The verses.